Bosco Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La dernière édition de ce 10 octobre 2018. En voici les grandes articulations. 15 hôpitaux burundais sur 56 ont déjà commencé l'informatisation de ces services dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé. Le système contribue à réduire les dérapages au niveau de la gestion financière. C'est le ministre de la Santé qui l'a déclaré ce mercredi dans un atelier d'évaluation des bienfaits de la numérisation de la structure sanitaire. Et le ministre de l'Intérieur soutient la prolongation du mandat de la commission Vérité et Réconciliation telle que réclamée par certains députés et sénateurs ce mercredi. C'était lors d'une plénière des deux chambres du Parlement. Quatre ministres du gouvernement ainsi que les membres de cette commission y étaient conviés. Et une quarantaine de familles de la colline Kininya 3 en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi s'inquiètent et accusent le chef de zone de vouloir les chasser. Un projet de tracer une route est en cours, mais ses habitants voudraient au moins être bien installés ailleurs avant la démolition de leur maison, vous les entendrez. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Parlement burundais plaide pour la prolongation du mandat de la commission Vérité et Réconciliation. Dans une plénière de ce mercredi, des deux chambres du Parlement réunies dans laquelle étaient invités la CVR et quatre ministres du gouvernement, certains parlementaires souhaitent l'extension de la période de travail. Le ministre de l'Intérieur soutient la prolongation du mandat de la CVR vu le travail restant à accomplir par cette commission. Elie Nibel Nibigila, reportage. Entre autres travaux qui restent à faire, comme avancé par la commission parlementaire chargée des questions politiques, sont les enquêtes et l'établissement de la responsabilité aux auteurs de différents crimes. Cette commission dit également que la CVR a connu différentes difficultés, dont le manque du plan d'action, la présentation du rapport provisoire à la veille de la fin de son mandat et le manque de moyens financiers. Concernant le manque de moyens financiers, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, explique que cela est dû aux partenaires financiers du Burundi qui se sont retirés. Dans ce rapport, ils précisent qu'au début de leur travail, il y a des partenaires du gouvernement burundais qui devraient fournir de fonds, mais qui se sont retirés petit à petit. Cela signifie alors que les moyens attendus n'ont pas pu être disponibles et le gouvernement a dû chercher des voies de rechange. Excellences, messieurs les ministres, pensez à cette situation pour formuler des propositions lors du Conseil des ministres. Parmi les raisons avancées par les parlementaires pour justifier la demande de l'extension du mandat de la CVR, figure le fait que la période de travail de cette commission est courte, alors qu'il existe d'autres crimes commis avant la période de travail. Réverien Dikuriyo, président de la Chambre haute du Parlement, demande l'extension du mandat de cette commission pour établir la responsabilité des commanditaires des tragédies qu'a connues le Burundi. Nous avons toujours cherché à savoir qui est fautif entre un malade et l'agent causal de sa maladie. C'est pourquoi nous demandons d'élargir le mandat de la CVR pour que ceux qui ont causé ce virus, qui a endeuillé le pays, soient ainsi responsabilisés. Il ne faut pas qu'ils soient protégés. Il faudrait que la CVR travaille aussi sur la période de la colonisation. N'ignorez pas que les Allemands ont tué les Burundais. Qui sont les auteurs de cette guerre de 7 ans? Pourquoi les Burundais ont été tués pendant cette période sans toutefois savoir la cause? La guerre s'est arrêtée et on nous a imposé une amende de plusieurs têtes de bétail lors du traité de Kiganda. Pourquoi tout ça? Le député Agathon Rwasa soutient la prolongation de son mandat, mais trouve qu'il faut plus de précisions afin qu'une fois le mandat terminé, il y ait une possibilité de reprolongation. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, un des membres du gouvernement invité dans la plénière des deux chambres du Parlement réunis ce mercredi, soutient la prolongation du mandat de la CVR et dit que le gouvernement attend les orientations des deux chambres du Parlement. D'autres ministres qui étaient invités à l'Assemblée nationale sont commissaire de police chef Alain-Guillaume Bugnoni de la Sécurité publique, Aimé Laurentine Kanyana de la Justice, ainsi que Martin Nivyabandi des Droits de l'Homme. Elie Nibel Nibigila, outre la prolongation du mandat de la CVR et l'extension de la période de travail de cette commission, le Parlement a recommandé que le travail d'enterrement des restes humains qui était prévu à la fin de ce mois soit reporté. Les élus du peuple ont demandé que la faisabilité de ces travaux soit d'abord minutieusement étudiée. La pancarte qui avait été implantée à Nyambeho en commune Guiéta de la province Gitega en mémoire des Hutus tués en 1972 a été enlevée le soir de ce lundi par l'administration dans cette province. C'est après qu'en date du 28 septembre dernier, le gouverneur de Gitega avait adressé une correspondance à ceux qui l'avaient implantée pour leur demander de l'enlever en délai 8 jours. Au cas contraire, l'administration avait menacé de s'en charger, le coût revenant à ceux qui l'avaient installé. Gérard Nibigira. En date du 28 septembre dernier, le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, a adressé une correspondance à l'honorable professeur Nina Miladeo, chef de mission nationale du collectif des survivants et victimes du génocide des Hutus de 1972. Mais là, il y a une autre organisation qui porte une dénomination semblable à la lettre et à celle-ci. Dans cette correspondance, le gouverneur de Gitega lui demandait d'enlever une pancarte implantée à Nyambeho, commune Guieta, province Gitega, en mémoire des Hutus tués pendant les événements de 1972. 8 jours lui avaient été accordés pour exécuter cet ordre, faute de quoi l'administration provinciale à Gitega se chargerait de son enlèvement, les frais relatifs devant être remboursés par le collectif des survivants et victimes du génocide des Hutus de 1972. C'est ce collectif qu'il dirige qui a installé cette pancarte à Nyambeho. Ainsi donc, le soir de ce lundi, le gouverneur de Gitega, accompagné par la police, se sont rendus à Kunyambeho. La pancarte fabriquée en métal a été découpée à l'aide d'une meuleuse et les morceaux conservés. Les gens qui étaient contents de l'implantation de cette pancarte mémoriale de Kunyambeho sont frustrés, tandis que ceux qui avaient mal accueilli son implantation se réjouissent de sa destruction. Cela étant, il y a d'autres gens qui proposent la construction d'un seul monument national à mémoire de tous les Burundais victimes depuis Gitega. Jean-Yves Gira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. 15 hôpitaux burundais sur 56 ont déjà commencé l'informatisation de ces services dans le but d'améliorer la qualité de soins de santé. Le ministre de la Santé l'a affirmé ce mercredi dans un atelier d'évaluation des bienfaits de la numérisation de la structure sanitaire. Dr Tade Ndikumana a précisé que la qualité des prestations a été améliorée à travers l'informatisation qui a contribué beaucoup à réduire les dérapages au niveau de la gestion financière. Suivez-le. Actuellement, sur 56 hôpitaux, nous avons déjà informatisé 15 hôpitaux. Nous avons réuni les directeurs pour échanger sur cette thématique. Nous avons vu qu'il y a de l'expérience au niveau du ministère et il y a une plus-value parce que vous avez compris que les recettes ont augmenté et l'accueil et la qualité des prestations a été améliorée et au niveau des hôpitaux déjà informatisés. Alors, nous avons appelé les autres hôpitaux parce que sur les 56, 15 sont déjà informatisés. C'est pour échanger l'expérience et pour que d'ici juin, à la fin de cette année fiscale, juin 2019, tous les hôpitaux soient informatisés. Ça ne demande pas beaucoup. Il y a des moyens qu'il faut mettre dans les planifications au niveau des investissements, mais nous avons vu qu'on peut recouvrer le financement à travers ce système parce que ça évite des dérapages, surtout au niveau de la gestion financière, mais aussi ça facilite l'accueil. Je donne l'exemple, quand le patient arrive au niveau de l'hôpital, dans le service d'accueil des urgences, on enregistre son dossier et le médecin qui doit l'accueillir voit directement le dossier du patient. S'il a déjà fait des consultations à cet hôpital, le médecin s'exerce à voir les antécédents et les médicaments qui avaient été pris et comme ça, ça facilite la prise en charge. Docteur Tade Ndikumana, ministre de la Santé. Le Burundi a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la vie des filles. C'est ce que a dit le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre. Une déclaration sortie à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Martin Ivyabandi dit que l'éducation de la fille reste toujours un défi au moment où le monde du travail exige des innovations. Suivez. Aujourd'hui, toute une génération de filles se prépare à entrer dans un monde du travail en rapide mutation, transformé par l'innovation. Ce contexte demande des travailleurs de plus en plus instruits et qualifiés. Or, il est encore à remarquer qu'il existe beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes filles, qui ne sont actuellement ni scolarisées, ni formées ou employées. À travers le thème national qui a été retenu cette année, soutenir la fille burundaise par une éducation de qualité avec zéro grossesse. La Journée internationale de la fille nous rappelle qu'il est essentiel de renforcer l'éducation de la fille en tous ses sens et formes, d'élargir ses opportunités d'apprentissage et lui mettre dans un environnement où il ne sera plus exposé à des grossesses qui ruinent sa vie subitement et involontairement. Il s'agit d'inviter la communauté burundaise tout entière à repenser la manière dont nos jeunes, surtout nos jeunes filles, sont formées et éduquées en général et de tracer de nouvelles voies capables de faciliter leur transition dans le monde futur de travail. Au cours de ces dernières années, le Burundi a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la vie des filles. Cela transparaît dans le renforcement du cadre légal qui a permis permis la mise en place d'un système éducatif répondant aux besoins du monde du travail et des autres mesures incitatives qui encouragent la jeune fille à rester à l'école avec épanouissement. À l'endroit des jeunes filles non scolarisées, le gouvernement n'a cessé de se préoccuper de leur promotion en renforçant leurs capacités en vue de leur prise en charge à travers le développement des activités génératrices de revenus et le travail en coopérative, etc. Martin Iviabandi, c'est le ministre en charge des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Sachez que cette journée mondiale de la fille sera célébrée ce jeudi en province Rumonge. 46 familles de la colline Kinyinya 3 en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura accusent le chef de zone de cette zone de vouloir les chasser de cette colline. Ces habitants disent que ce chef de zone leur a signifié qu'il y a un projet de tracer une route passant par cet endroit, ce qu'ils ne comprennent pas, disent-ils, du fait que certains de leurs voisins ne sont pas concernés. Ils demandent qu'on leur montre un autre endroit où ils peuvent s'installer avant la démolition de leur maison. Suivez-les. Pendant la crise de 1998, lorsque l'aéroport était attaqué, nous avons déménagé vers cet endroit et nous avons occupé ces trois collines. On nous a dit d'attendre la deuxième phase de construction pour retourner là où nous étions. Maintenant donc, on nous dit de quitter l'endroit pour qu'on y trace une route. Quand nous sommes arrivés ici, c'est le chef de zone de l'époque appelé Mbonima qui nous a autorisé de nous installer. Il nous a dit que nous ne devrions pas approcher le caniveau pour construire nos maisons. Il n'y avait pas de projet de construction de route. Deuxièmement, il y a 21 ans que nous vivons ici. Personne ne nous a dit que cette terre appartient au gouvernement. Tous les administrateurs et gouverneurs qui se sont succédés, personne d'entre eux ne nous a dit de quitter cet endroit. On nous dit que c'est dans le but de tracer une route. Nous vous demandons de nous aider. Est-ce que cette seule ligne où nous vivons est la seule partie qui appartient à l'État? Qu'en est-il de nos voisins qui se sont installés en même temps que nous? Il n'y a pas eu même de réunion. Le chef de zone est venu ici nous intimider tout en demandant si nous n'avons pas encore démoli nos maisons. Il nous a demandé ce que nous attendons pour aller récupérer les tôles et aller nous installer ailleurs. Ce que nous demandons à notre chef de zone, nous ne voyons pas la destination de cette route. Ça fait 21 ans que nous vivons ici. Nos enfants sont déjà inscrits dans les écoles de cette localité. Où est-ce que nous allons les amener alors que nous sommes natifs d'ici? Même l'endroit où nous vivions avant ne nous appartient plus. Le seul endroit qui nous reste, c'est ici. Et nous dire d'aller nous installer ailleurs, alors que nous sommes les natifs d'ici, ce n'est pas possible. Voilà, c'était le coup de gueule de ces habitants de la colline Kinyinya 3 en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Et contacté à ce propos, le chef de zone Rukaramu nous a renvoyé au gouverneur de cette province et ce dernier n'a pas décroché son téléphone quand la rédaction l'a appelé. Le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture et de l'Élevage va bientôt mettre en place un outil moderne qui va permettre la collecte des données statistiques agricoles au niveau national. C'est une promesse faite par ingénieur Jean-Claude Guérou, directeur des statistiques et informations environnementales et agricoles, au cours d'un atelier organisé par ce ministère. Il précise en outre que cet outil permettra aux autorités du ministère d'être informées rapidement sur la situation agricole afin de prendre des décisions qui s'imposent. Suivez. Donc le système que nous utilisions, c'était on utilisait les fiches de collecte. Et comme ça, il y avait possibilité de se tromper, mais aussi il y avait aussi un problème de rentrer, puisque ça prenait un long circuit des enquêteurs. Maintenant, on a quitté la phase de passer dans les provinces, dans les pays, et aussi la phase d'aller saisir encore dans les machines. Comme ça, les données seront correctées et directement, il faut arriver dans le serveur central. Alors la plus-value, c'est que d'abord, les données seront vraies, mais aussi il y aura aussi la rapidité dans la transmission de l'information. À rapport avec la production qui a été obtenue au cours de la saison, ils seront informés sur l'état nutritionnel du pays au cours de la saison donnée. Et comme ça, ils pourront décider si on peut importer. Donc, le fonctionnement de cet outil, les enquêteurs que nous avons dans chaque zone de dénombrement, ils vont enregistrer les données, relever ou corriger auprès des ménages échantillons que nous avons partout dans le pays, dans les 17 provinces. Est-ce que cet enquêteur va enregistrer enregistrer ça. Directement, les données vont nous parvenir au serveur qui se trouve au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Comme ça, après la saison, on va directement passer au traitement des données et nous espérons qu'après peut-être deux semaines, on pourra publier les données sur la production des cultures vivrières, mais aussi les rendements sur ces cultures. Ingénieur Jean-Claude Ngwerou, directeur des statistiques et informations environnementales et agricoles. Une fuite de déchets provenant des toilettes s'observe tout près de l'ancien marché de Bujumbura au parking de bus à destination de Gatumba, celui du City Market communément appelé chez Sion et celui de Bouyenzi. Les commerçants des environs disent que cette fuite a commencé depuis lundi. Ils craignent d'attraper les maladies liées à ces saletés. Reportage de Roselyne Akindavi. Au centre-ville de Bujumbura, au parking des bus de Gatumba, du marché chez Sion et de Bouyenzi, on sent une odeur nauséabonde. Cette odeur provient des eaux stagnantes sales des regards se trouvant à ce parking. Les habitants évrants à cet endroit disent que cette situation a commencé ce lundi. En peu de mots, ça fait 3 ou 4 jours que la situation est ainsi. Il s'agit d'un regard qui s'est brisé. Voyez, ici, c'est notre parking. Les clients sont très gênés quand nous tardons à quitter. Ces habitants craignent qu'ils peuvent attraper des maladies des mains sales et demandent la réparation immédiate de ces regards. Nous avons des problèmes car ces déchets peuvent nous causer des maladies liées à la saleté. Quand nous venons prendre bus, nous venons avec des enfants et c'est déconseillé pour les enfants car ils sont exposés au danger. Je demande aux concernés d'enlever ces déchets provenant des toilettes à cet endroit et de réparer ces regards le plus vite possible. Contacté à ce sujet, le responsable du service d'hygiène en mairie de Bujumbura, il nous a répondu qu'il compte effectuer une descente sur terrain pour constater les faits afin de réparer ses regards. Enfin, les employés de la société de téléphonie mobile Viettel, regroupés au sein du syndicat Citra Vibou, disent ne pas comprendre la lenteur qui s'observe dans le traitement de leur dossier par le conseil d'arbitrage du ministère de la fonction publique. Le vice-président de ce syndicat s'indigne également des convocations des travailleurs en grève par le ministère public, la dernière en date étant celle du parquet de Rutana, émis en date du 9 octobre contre Hawonayo Nestor. Nimo Muriza Moïse demande au ministre du Travail de se saisir de leur cas. Nous avons un constat très amer par rapport à l'état d'avancement du dossier remité parce que l'affaire a stagné suite à des motifs que jusqu'à présent nous ne comprenons pas. Le dossier a été transmis, c'était le 18 septembre 2018 en provenance de l'inspection générale du travail et le dossier a été reçu par le ministre, c'était le 18 septembre. Vu la situation dans laquelle les employés en grève se trouvent maintenant, il fallait que le dossier soit traité immédiatement. Nous demandons au ministre de pouvoir se saisir du dossier. Nous sommes dans une sidération totale. On ne comprend pas pourquoi le dossier ne pouvait pas être traité dans les meilleurs délais alors que les travailleurs sont en grève légale et sont dans une situation de misère maintenant. Nemo Moriza Moïse, un des employés de la société de téléphonie mobile Viettel, connu sous le nom commercial de Lumitel, est contacté à ce sujet. Félix Morzeriniga, ministre de la fonction publique, nous a renvoyé au directeur général du travail que la rédaction n'a pas encore réussi à joindre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.